Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 27 mars et nous souhaitons une bonne fête au Habib, ça vient de l'arabe signifiant aimé, généreux. Certes, Habib a de la personnalité à revendre et entend bien le faire savoir. Il n'est pas dépourvu d'un certain charisme qui le rend attractif auprès du sexe opposé. Charme, séduction et sociabilité sont autant d'atouts qui le rendent plaisant. Mais ne vous fiez pas à cette apparence sympathique, il est profondément déterminé et sait pertinemment ce qu'il désire et avec son sourire envoûtant, il saura vous faire aller où il veut, d'autant plus qu'il a de la suite dans les idées et ne manque ni d'astuces ni de persuasion. Par ailleurs, orgueilleux et vaniteux, il estime ne pas être n'importe qui. Il sera indépendant et original sous l'influence du curieux mélange du 3 et du 4. Ces chiffres antagonistes qui le poussent à rechercher la facilité, le plaisir, l'amusement, sans toutefois perdre de vue la notion de travail, de rendement, fierté oblige. Voilà pourquoi il lui faudra trouver une profession qui revête pour lui tous les attraits du plaisir. En effet, en dépit d'un aspect léger, voire superficiel dans certains domaines, il se montre efficace et appliqué dans d'autres. Le mot-clé pour lui est certainement la motivation. S'il arrive à vivre ses aspirations, souvent grandioses sous l'influence du 22, il pourra s'exprimer pleinement, à l'image par exemple du roi David. Dicton du jour, la vigne dit « En mars me lit, en mars me taille, en mars il faut qu'on me travaille ». Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du théâtre, créé en 1961 à Vienne par l'Institut international du théâtre. Et dans les événements qui se sont déroulés un 27 mars, en 1968, Jim Drake et Ole Schweitzer déposaient le brevet de la planche à voile. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le groupe Genesis et leur titre « I Can Dance ». I can't sing. I'm just standing there selling. Genesis avec leur titre I Can Dance sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 27 mars 1935, naissance de Julian Glover, acteur américain vu dans L'Empire contre-attaque, un Star Wars épisode 5 dans le rôle du général Maximilian Verse, Indiana Jones et la dernière croisade dans le rôle de Walter Donovan ou encore la série télé Game of Thrones dans le rôle de Maître Picel. 1942, naissance de Michael York, acteur britannique connu pour son rôle de D'Artagnan dans le film Les Trois Mousquetaires, On l'appelait Milady et Le Retour des Mousquetaires, vu également dans la trilogie des Austin Powers dans le rôle de Basil Exposition. 1950, naissance de Tony Banks, auteur, compositeur, musicien britannique, claviériste du groupe Genesis. 1957, naissance de Stephen Dillon, acteur britannique, connu pour son interprétation de Stannis Baratheon dans la série télé Game of Thrones et vu au cinéma dans Spy Game, Jeu d'espion. 1963, naissance de Quentin Tarantino, réalisateur, scénariste, producteur américain, à qui l'on doit Reservoir Dogs, Pulp Fiction, récompensé au Festival de Cannes par la Palme d'Or, ainsi que par l'Oscar du meilleur scénario original, Kill Bill volume 1 et 2, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, Django Unchained, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original, Les Huit Salopards, l'Oscar de la meilleure musique. Et un film qui va bientôt sortir, c'est Once Upon a Time in Hollywood. 1964, naissance de Kadour Merad, dit Kad Merad ou Kad, du duo hein, Kad et Olivier, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste français. Vu dans Mais qui a tué Pamela Rose, ainsi que la suite Mais qui a retué Pamela Rose dans le rôle de Richard Boulit, Les choristes dans le rôle de Chabert, Les Dalton, Is No Good, Je vais bien, Ne t'en fais pas dans le rôle de Paul Tellier, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle, Trois amis, Bienvenue chez les Ch'tis dans le rôle de Philippe Abrams, Safari, Le petit Nicolas ainsi que Les Vacances du petit Nicolas dans le rôle du père de Nicolas, RTT, L'Immortel, L'Italien, Les Tuches, La Nouvelle Guerre des Boutons dans le rôle du père de Lebrac, Superchondriac dans le rôle de Dimitri Zvenka, Marseille dans le rôle de Paolo, Alibi.com dans le rôle de Monsieur Godet, Brillantissime dans le rôle du docteur Stenman, La Ch'tite Famille, Le Doudou, Le Gendre de ma vie, et on le verra bientôt à l'affiche du film Just Gigolo, réalisé par Olivier Barou, où il interprète le rôle d'Alex, réalisateur du film Monsieur Papa, Mais qui a retué Pamela Rose, Marseille, scénariste de Mais qui a tué Pamela Rose, un ticket pour l'espace, Mais qui a retué Pamela Rose et Just Gigolo. 1967, naissance de Cathy Guetta, ex-femme du DJ français, hein, David Guetta, femme d'affaires française. 1969, naissance de Paulette Perrette, actrice américaine, vue dans les séries Dawson, 24 heures chrono, et on la connaît pour son rôle d'Abigail Chiotto dans NCIS Enquête Spéciale. Elle apparaît également dans quelques épisodes d'NCIS Los Angeles et NCIS Nouvelle-Orléans. 1970, naissance de Maria Carey, chanteuse américaine. 1971, naissance de Nathan Fillon, acteur canadien, vu au cinéma dans Il faut sauver le soldat Ryan, Percy Jackson, La mère des monstres, dans le rôle d'Hermès, la série télé Desperate Housewives, dans le rôle d'Adam Mefer, ou encore Castle, dans le rôle de Richard Castle. 1975, naissance de Fergie, chanteuse américaine, ancienne membre des Black Eyed Peas, qui fait une carrière en solo, et on écoute tout de suite un extrait de son titre London Bridge. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Are you ready for this? Oh shit! Give me love you long time. Oh, all my girls get down on the floor. Oh, back to back, drop it down real loud. Oh, I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Oh, 'cause you know I don't give a fuck, so here we go. I'm Voilà pour l'extrait de Fergie. Allez, on continue. 1980, naissance de Nicolas Duvauchet, l'acteur français vu dans La fille du RER, La fille du Puisatier, Police dans le rôle de Mathieu, Dalida dans le rôle de Richard Jeanfray ou la série télé Braco dans le rôle de Théo Wachewski. 1986, naissance de Manuel Neuer, footballeur allemand évoluant en poste de gardien de but. De 2006 à 2011, il a été le gardien de Schalke 04 et depuis 2011, le gardien de but du Bayern Munich. 1988, naissance de Jessie J, auteure, compositrice, interprète anglaise. C'est également l'année de naissance de Brenda Song, actrice américaine connue pour son rôle de Tia dans la série Fil du futur et celui de London Tipton dans La vie de croisière de Zac et Cody. Allez, avant de faire une pause musicale, on passe aux sorties cinéma. Hein, comme tous les mercredis, on commence avec le film Dumbo, un film familial d'aventure de Tim Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito ou encore Michael Keaton. Autre film, Let's Dance, comédie dramatique de Ladislas Chola avec Ryan Benzetti, Alexia Giordano ou encore Guillaume de Tonquédec. Autre film, c'est Ça l'amour, un drame de Claire Burger avec Bouly Lanners, Justine Lacroix ou encore Sarah Enochberg. Autre film, Synonyme, un drame de Navad Lapide avec Tom Mercier, Quentin Dolmer ou encore Louise Chevillotte. Autre film, Boy Erased, un drame de Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman ou encore Joel Edgerton. Et enfin, dernier film, Gentleman Cambrioleur, comédie de James Marsh avec Michael Caine, Tom Courtenay ou encore Jim Broadbent. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite Mariah Carey avec son titre Hero. Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. I'm Mariah Carey, son titre Hero sur le 107FM. Il est presque 8h47, on fait un point météo. La météo. Journée ensoleillée, nuageuse également, des températures comprises entre 1 et 2 degrés ce matin, entre 10 et 12 degrés pour cet après-midi. Jeudi, soleil et nuages, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Vendredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 13 et 15 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Petite actualité, on va parler tennis avec le tournoi de Miami, l'élimination de Novak Djokovic en 3-7 face à Bautista Agut, 1-6, 7-5, 6-3. Aujourd'hui, Bautista Agut affrontera Isner et Coric sera opposé à Auger Aliassime. Et côté féminin, notez l'élimination de Kvitova en 3-7. Aujourd'hui, Alep affrontera Wang et Pliskova sera opposé à Vondrousova. Et en basket, en NBA, l'équipe de Charlotte privée de Nicolas Batum malade et de Tony Parker qui n'a pas joué, s'est tout de même imposé 125 à 116 après prolongation face aux Spurs de San Antonio. L'équipe de Boston de Yabusele à 2 points et 2 rebonds s'est imposée face à Cleveland 106 à 116. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 11 points s'est imposée face à Miami 99 à 104. Les Chicago Bulls de Luau Cabarro à 8 points se sont incliné face à Toronto 112 à 103 et enfin l'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué s'est inclinée face aux Lakers de Los Angeles sur le score de 124 à 106. Voilà pour l'actualité, je vous ai dit, il n'y a pas grand chose ce matin, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec la chanteuse Jessie G et son titre Price Tag.